tu n'appartiens qu'à moi. Je peux me servir de toi si je veux m'envoler. Oh mon petit jet privé, tu as la classe et je t'aime. Tu te poses aucun problème, laisse-moi m'évader. Oh mon petit jet privé. Oh oh oh oh oh oh. Un clin d'œil et je suis prêt. Chaque jour j'enflamme ton cœur. Je ne te demande qu'une faveur, fais-moi décoller. Oh mon petit jet privé, à chaque nouvelle vitesse, c'est une claque sur tes fesses, laisse-moi accélérer. Oh mon petit jet privé. Wow, wow, wow, un coup de langue et je suis prêt. Oh mon ange, ma toute belle, sais-tu pourquoi je t'appelle mon petit jet privé? C'est que les anges ont des ailes. Wow, wow. Wow, wow, wow, tu es mon petit jet privé.